بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة، ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدراك ما هي؟ نار حامية. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, la calamité. Qu'est-ce que la calamité? Et qui te dira ce qu'est la calamité? C'est le jour où les gens seront-elles des papillons éparpillés, et où les montagnes seront-elles de la laine cardée. Alors celui dont les bonnes œuvres pèseront lourd dans la balance connaîtra une vie agréable. Quant à celui dont les bonnes œuvres pèseront peu dans la balance, sa destination sera un abîme très profond. Et qui te dira ce que c'est? C'est un feu ardent.